L'aurore étend son aura au scintillant halo. La nuit fut longue, j'en ai encore l'empreinte dans la peau. Avec sa liqueur visqueuse, la tourmente m'a vampé, me tentant ardemment pour une énième lampée. J'ai cédé espérant qu'elle me laisserait en paix. Hélas, les lèvres à peine trempées, j'ai rampé. Je crois que j'aurais mieux fait de camper. Tant pis, je me tempère. Encore un peu vase crasse. Je sens que les effets s'effacent, même si je reste exsangue et je tangue dans une valse éthylique. Mais après tout, la marche est une succession de déséquilibres. Ce qui monte doit descendre, c'est cyclique. Et puisqu'il en est ainsi, je me contente d'étincelles, car ce qui brûle s'éteint vite. Me réchauffe à l'aide de quelques éclats de rire, les années passent vite. J'apprécie les petits riens et ces écarts de vie qui à plusieurs égards décrivent la trajectoire principale de celle-ci. Je me réchauffe à l'aide de quelques éclats de rire, les années passent vite. J'apprécie les petits riens et ces écarts de vie qui à plusieurs égards décrivent la trajectoire principale de celle-ci.